Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une idée de spectacle à Paris ? Assister à un supplice, celui de Quasimodo par exemple, ce ne peut être que distrayant. Un bossu, boiteux et borgne, pensez quel régal de le voir souffrir. Durant cette distraction, l'archidiacre Claude Frollo reçoit Maître Coictier et l'étrange compère Tourangeau. Au menu de la conversation, l'alchimie, la médecine, l'astrologie. Voici les épisodes 14, 15, 16, 17 et 18 du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne les 2, 3, 4, 6 et 7 mai 1957. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Eh bien, ma chère Mayette, que dites-vous de Paris ? Notre bonne ville vous plaît-elle ? Pour moi, je ne saurais vivre ailleurs. Vraiment, ma chère, je me demande comment vous pouvez supporter la province. Mon Dieu, la province a du bon. Je ne vois pas que Paris suffise à faire la France. Oh, la France, non. Mais Paris, c'est tout un monde. Sans ce bruit et cette fièvre, je périrais d'ennui. À Reims, nous avons aussi des distractions. Si vous aviez vu, en 61, le sacre du roi, c'était merveille. Paris ne vit jamais pareil défilé. Oh, celui des ambassadeurs flamands hier n'était pas mal non plus. Et le souper qu'on leur servit à l'hôtel de ville valait son pesant d'or. Au moins en province, sommes-nous de toutes les fêtes et l'on y assiste autrement que par ouï-dire. Oh, attention, voici que les héros vont faire un cri. Ce jour du 7 janvier 1482 a été condamné devant Monsieur le Prévôt, le sieur Quasimodo, sonneur de cloche à Notre-Dame, pour attentat sur la voie publique et rébellion envers les archers du roi Louis, notre sire, 11e du nom. Le jugement sera rendu exécutoire immédiatement en place de grève, où le condamné sera battu par les sergents à verge et tourné au pilori durant 2 heures. Un cri du présent jugement est fait avec assistance de 4 trompettes jurées dans les 7 châtellenies de la vicomté de Paris. Dépêchons-nous, mes belles, si nous voulons arriver au bon moment. Quasimodo au pilori, voilà un spectacle qu'il ne faut pas manquer. Oh bah, inutile de courir, il y restera 2 heures, ça nous laisse du temps. Ces choses-là sont fastidieuses au bout de 10 minutes. Avez-vous jamais vu pilorier, ma chère Mayette ? Oh oui, à Reims, bien sûr. mais qu'est-ce que votre pilori de Reims ? Une méchante cage où l'on ne tourne que des paysans. Ça ne doit pas être intéressant. Que des paysans ? Au marché aux draps à Reims, nous y avons vu supplicier de fort beaux criminels et qui avaient tué père et mère. Oh, des paysans. Mais pour qui nous prenez-vous, Gervaise ? Oh, voyez donc ces gens qui se sont attroupés là-bas au bout du pont. Il y a au milieu d'eux quelque chose qu'ils regardent. En vérité, j'entends tambouriner. Oh, ce doit être la petite Esmeralda qui fait ses momeries avec sa chèvre. Ma bonne Mayette, vous êtes venue ici pour visiter les curiosités de Paris. Eh bien, pressez le pas. Vous avez déjà vu hier les Flamands. Il vous faut voir aujourd'hui l'Égyptienne. Égyptienne ? Oh, Dieu m'en garde. Oh, j'ai bien trop peur de ces voleuses d'enfants. Cette Égyptienne volait vos enfants. Voulez-vous chercher de pareilles histoires ? Oh, je sais ce que je dis. Ces femmes volent les enfants. Oh. Vous ne m'en ferez pas des morts. Ce qui est singulier, c'est que la Sachette a la même idée des Égyptiennes. Qu'est-ce encore que cette Sachette ? Sœur Gudule. Et qui est Sœur Gudule ? Vous êtes bien de votre Reims de ne pas savoir cela. C'est la recluse du trou aux rats. Comment ? Cette pauvre femme à qui nous portons du ravitaillement ? Précisément. Vous allez la voir tout à l'heure sur la place de Grève, dans ce réduit infect où elle s'est volontairement enfermée depuis 15 ans. La Sachette a le même regard que vous pour ces vagabonds d'Égypte qui tambourinent et disent à Bonaventure. On ne sait d'où lui vient cette horreur de la petite Esmeralda qu'elle ne cesse d'injurier. Mais vous, Mayette, pourquoi donc tremblez-vous que d'en entendre parler ? Oh, je ne veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Paquette, la Chantefleurie. J'aime trop mes petits, je ne veux pas qu'on me les prenne. Ah, c'est une histoire que vous allez nous raconter, ma chère Mayette. Oh, je sens que ça va être palpitant. Je veux bien. Mais vraiment, il faut que vous soyez de votre Paris pour ignorer pareille aventure. Bien voilà, cela se passait à Reims, il y a 18 ans. Mais tandis que Dame Mayette commençait de conter à ses amis une histoire qui a son importance, tandis que les sergents de la prévôté menaient Quasimodo au lieu de son supplice, tandis qu'Esmeralda dansait à perdre haleine sur le milieu du pont neuf, qu'advenait-il tout en haut des tours de Notre-Dame, de Claude Frollo et de ses mystérieux visiteurs? Don Claude, je me suis permis de vous amener un confrère qui a voulu vous voir sur votre renommée. Monsieur est de la science? Oh, révérend maître, je ne suis qu'un pauvre gentilhomme de province qui ôte ses souliers avant d'entrer chez les savants. Il faut que vous sachiez mon nom. Je m'appelle le compère Tourangeau. Singulier nom pour un gentilhomme. Vous me permettrez de n'en rien croire, mais que votre désir de garder le secret sur votre identité soit respecté. Maître Jacques Coictier, sur mon âme, je vous trouve une mine florissante. Comme je suis heureux de vous voir en si grande santé, voilà un air qui réjouit chez un médecin. Merci, maître Claude. À propos, comment va votre royal malade? Sa Majesté Louis XI a toujours ses humeurs. De plus, le roi paie fort mal son médecin. Vraiment, vous trouvez, monsieur Coictier? En quoi puis-je vous être utile? Non, Frollo, je suis malade, très malade. On vous dit grand Esculape et je suis venu vous demander un conseil de médecine. Voilà, que je sois docteur moi-même ne lui suffit pas. Il faut au compère Tourangeau d'autres lumières. Tout doux, mon bon tout doux. Eh bien, maître, qu'en dites-vous? Ma médecine, monsieur, est fille des songes. Je vous avais prévenu, vous l'avez voulu voir. Il se pourrait fort bien que cet homme ait raison. Comme il vous plaira, mais vous jugerez bon que je ne partage pas cet avis. La médecine est fille des songes. Vous êtes presque en besogne, don Claude, et vous n'êtes guère plus embarrassé d'Hippocrate qu'un singe d'une noisette. Donc, vous niez l'influence des filtres sur le sang, des onguents sur la chair. Vous niez cette éternelle pharmacie de fleurs et de métaux qu'on appelle le monde, faite exprès pour cet éternel malade qu'on appelle l'homme. Je ne nie pas plus la pharmacie que le malade. Je nie le médecin. Donc, il n'est pas vrai que la goutte soit un dartre en dedans, qu'on guérisse une plaie d'artillerie par l'application d'une souris rôtie, qu'un jeune sang convenablement infusé rende la jeunesse à de vieilles veines. Là, là, là, mon bon Coictier, ne vous fâchez pas. Monsieur l'archidiacre est notre ami. C'est un fou! Maître Claude Frollo, me voici fort gêné de cette dispute. J'avais deux consultations à requérir de vous. L'une touchant ma santé, l'autre touchant mon étoile. Monsieur, si c'est là le but de votre visite, vous auriez pu vous épargner les raides escaliers qui mènent à mon cabinet. Je ne crois pas à la médecine. Je ne crois pas à l'astrologie. En vérité, vous voyez bien qu'il est fou, il ne croit pas à l'astrologie. Le moyen d'imaginer que chaque rayon d'étoile relie un fil à la tête d'un homme. Mais enfin, don Claude, quelle chose tenez-vous donc pour vraie et certaine? L'alchimie. L'alchimie seule. Qu'est-ce que cela, monsieur l'archidiacre? Un appel pour quelques messes privées? Non, messire, c'est le signal qui prévient les visiteurs du cloître que dans un quart d'heure, ils devront avoir quitté les lieux. Nos portes vont se fermer. Ah, pressons alors cet entretien qui m'intéresse. Vous disiez donc que seule l'alchimie est une science irréfutable. Je l'affirme. Par Dieu, donc, Claude, l'alchimie a sa raison, mais pourquoi blasphémer la médecine et l'astrologie? Quelle vérité avez-vous tirée de la médecine, qui est chose folle, ou de l'astrologie, qui est chose stupide? Nierez-vous les vertus du boustrophédon vertical et les trouvailles du nombre zéphyrote? Erreur! Aucune de vos formules n'aboutit à la réalité. Comment? Tandis que l'alchimie a ses découvertes. La glace, enfermée sous terre pendant 1000 ans, se transforme en cristal de roche. Il ne faut au plomb que 4 périodes de 200 ans chacune pour passer successivement de l'état de plomb à l'état d'arsenic rouge, de l'arsenic rouge à l'étain, et de l'étain à l'argent. Sont-ce là des faits, Mais croire à la clavicule, à la ligne pleine et aux étoiles, c'est aussi ridicule que d'imaginer le loriot se changeant en taupe et les grains de blé en poisson rouge. J'ai étudié l'hermétique et vous ne me ferez pas dire que... Et moi, j'ai étudié la médecine, l'astrologie et l'hermétique. Tout n'est qu'utopie. Ici, seulement, est la vérité. Voilà, dans cette fiole, où repose cette poussière d'or. Que tenez-vous là, monsieur l'archidiacre? Y a-t-il vraiment de l'or au fond de cette cornue? Oui, compère. La vérité est là. L'or, c'est la lumière. L'or, c'est le soleil. Faire de l'or, c'est être Dieu. Tout le reste est ténèbre. Je vous disais bien que c'est un fou! Mais dites-moi, Don Claude, le but mirifique, l'avez-vous touché? Avez-vous déjà réussi à faire de l'or? Si j'en avais fait, le roi de France s'appellerait Claude, et non Louis. Tiens, tiens. Que dis-je, roi de France? Que serait pour moi un si piètre royaume quand je pourrais rebâtir l'Empire d'Orient? Et dominer le monde. À la bonne heure. Enfin, vous voilà fixé sur sa folie. Non, certes, l'archidiacre de Notre-Dame n'était pas fou. Mais l'exaltation avait fait place à une sorte de méditation profonde que son étrange visiteur, le compère Tourangeau, semblait vouloir partager. Un lourd silence réunissait les trois hommes. Autant que le bavardage liait entre elles, Dame Gervaise, Oudarde et Mayette, qui s'en allaient vers la place de Grève. Dame Mayette, n'êtes-vous point fatiguée? Et pour mieux nous raconter votre histoire, voulez-vous que nous nous reposions? Poursuivons notre chemin, au contraire. Je veux voir pilorier votre Quasimodo, puisqu'il paraît que c'est un phénomène. Et je n'ai point fait cuire de mes mains cette galette pour ne pas la porter à cette malheureuse recluse du trou aux rats. Donc, vous disiez que cela se passait à Reims il y a 18 ans? Oui. J'en avais 18, comme Paquette la Chantefleurie. Et c'est bien de sa faute si elle n'est pas aujourd'hui, tout comme moi, une grosse et fraîche mère de 36 ans, pourvue d'un mari et d'un enfant. Au reste, dès l'âge de 14 ans, il n'était plus temps. Elle avait de jolies dents, elle aimait à rire pour les faire voir. Elle habitait avec sa mère, le long de la rivière, rue de Folpen. Et elles étaient très pauvres toutes deux depuis la mort du père. Elle était si gaie, si avenante, Paquette. Tous les hommes lui tournaient après, vous pensez? Oh, nous vîmes tout de suite qu'elle était perdue. Un dimanche qu'elle vint à l'église avec une croix d'or au cou. Pensez, à 14 ans tout de même. Voilà une histoire qui ne sort pas de l'ordinaire. Que faites-vous dans tout ceci des Égyptiens voleurs d'enfants? Patience. En 66, il y aura 16 ans de cela à la Sainte-Paul, Paquette la Chantefleurie accoucha d'une petite fille. Oh, elle en eut une grande joie, car elle désirait un enfant depuis longtemps. Sa mère était morte, Paquette n'avait plus rien à aimer, ni personne qui l'aimât. Elle était seule, montrée du doigt, criée par les rues, battue des archers. Pauvre à nouveau, et ne pouvant plus travailler, parce qu'en devenant voluptueuse, elle était devenue paresseuse. Et elle souffrait beaucoup plus, parce qu'en devenant paresseuse, elle était devenue voluptueuse. C'est du moins comme cela que monsieur le curé de Saint-Rémy explique pourquoi ces femmes-là ont plus froid et plus faim que les autres. Lorsqu'elles viennent à manquer... Oui, mais les Égyptiens y arriveront-nous? Mais un moment, Oudarde. Qu'est-ce qu'il y aurait à la fin de l'histoire si tout était au commencement, voyons? Allez, continuez, Mayette, je vous en prie. Dame Mayette savait tenir son auditoire et les aventures de Paquette la Chantefleurie n'étaient pas près d'être terminées. Tandis qu'en haut des tours de Notre-Dame, l'entretien de Claude Frollo avec ses curieux interlocuteurs ressemblait à un songe que chacun poursuivait pour son compte personnel. Dominer le monde, le recréer, alors que je rampe encore sur le chemin de la connaissance. J'entrevois, je ne contemple pas, je ne lis pas, j'épelle. Mais quand vous y parviendrez, saurez-vous faire de l'or? Qui en doute? Et votre science n'est-elle pas en opposition avec Notre-Dame ? De qui suis-je archidiacre ? En ce cas, Notre-Dame sait que j'ai grande nécessité d'argent et je voudrais bien qu'il vous plaise de m'initier. Vieillard, il faut de plus longues années qu'il vous en reste à vivre pour entreprendre ce voyage à travers le mystère. On ne sort de la caverne qu'avec les cheveux blancs. Et votre tête, déjà, est grise. Cela ne me décourage pas. J'aurai de la discipline. Fort bien. J'essaierai donc de vous apprendre à lire l'alphabet des pierres. Et nous irons par les rues consulter les façades de nos églises. Je vous expliquerai le symbole des deux anges qui sont au portail de la Sainte Chapelle et dont l'un a sa main dans un vase, tandis que l'autre la tient dans les nuées. Je vous montrerai les parcelles d'or restées au fond du creuset de Nicolas Flamel. Nous épellerons ensemble le porche de Sainte-Geneviève des Ardents et celui de Saint-Jacques de la Boucherie. Nous devons partir. Voici l'appel destiné aux visiteurs étrangers. C'est l'heure de fermeture du cloître. Maître Claude Frollo, j'aime les savants et les grands esprits, et je vous tiens en singulière estime. Venez demain me voir au palais des Tournelles et demandez le roi. Je vous y attendrai. Majesté. Oh, de quel honneur m'avez-vous comblé? Il me convenait de vous faire visite sans que vous sachiez qui j'étais. À demain, monsieur l'archidiacre. Vos discours et votre savoir me plaisent beaucoup. Majesté. On est à tout instant bousculé. Oui, mais c'est que nous approchons de la place de Grève. Il y a toujours pour les supplices un public qui ne sait vraiment quoi faire de son temps. Oh, ma bonne Gervaise, nous faisons partie de ce public-là. Oui, mais c'est pour montrer à Dame Mayette qui vient de sa province et curiosité de Paris, ma chère. Oh, maman, je suis contente de vous voir rire. Car cette histoire de Paquette la Chantefleurie semblait fort vous attrister. Alors, que devint-elle après la naissance de sa petite fille? Ah oui, sa joie, je ne vous en parle pas. Elle se prit à aimer son enfant avec une vraie furie de larmes, de caresses et de baisers. L'amour maternel la transforma et elle redevint belle, au point que les hommes, de nouveau, cherchèrent sa compagnie. Et tout ce vilain argent qu'ils lui donnaient, elle en faisait des folies pour sa petite Agnès. Il est certain que l'enfant de la Chantefleurie était plus emmailloté de rubans et de broderies que la dauphine de France. Elle avait, par exemple, une paire de petits souliers, comme le roi Louis XI n'en a certainement jamais eu. Ils étaient en satin rose, brodés de pasquilles d'or, et longs tout au plus comme mon pouce, car le bébé avait les plus ravissants petits pieds du monde. Je commence à comprendre de quel côté les Égyptiens vont venir. Ils ont volé l'enfant de la Chantefleurie. Oh, ces sorciers-là sont capables du pire. Hélas, vous dites vrai. Aux portes de Reims, vint un jour camper toute une armée de gueux et de truands, conduits par leur chef. Ils étaient basanés avec des cheveux crépus et des anneaux d'argent aux oreilles. Les femmes étaient encore plus noires, avec des jupes bariolées. Ils vous regardaient dans la main et vous disaient des prophéties merveilleuses. Alors, tout Reims allait les consulter et les mères faisaient grand triomphe de leurs enfants depuis que les Égyptiens leur avaient prédit des miracles. L'une avait un roi, l'autre un pape, la troisième un capitaine. La pauvre Chantefleurie fut prise à son tour de curiosité. Elle voulut savoir si sa petite Agnès ne serait pas un jour impératrice d'Arménie ou d'autre chose. Tu veux connaître la bonne aventure? Tu as raison. Je vois déjà beaucoup de choses autour de toi. Non, non. Non, ce n'est pas pour moi. C'est pour ma fille. Ma petite fille que je porte dans mes bras. Regardez. Oh, oh qu'elle est mignonne. Oh, qu'elle est jolie, ta petite fille. Oh, je n'ai jamais vu une telle merveille. Et pourtant, tu sais, je viens du bout du monde. Vraiment? Vous la trouvez belle? Plus belle que les autres? Plus belle que toutes les autres. Par notre Dieu, comme tu l'habilles, une vraie princesse. C'est un trésor que tu as. Et dites-moi, quel sera son avenir? Magnifique. Ah. Elle grandira et deviendra toujours plus belle. Oh. Mais vertueuse, tu sais. Vertueuse. Ah oui, oh cela, j'y veillerai. Un jour, elle sera remarquée par un roi. Et ta fille deviendra reine. Reine? Oh mon Dieu, quelle joie! J'irai où elle sera, je vivrai dans son ombre, cachée pour ne pas troubler son bonheur. Mon Agnès, une reine! Oh, oh mais montrez-moi où vous voyez cela. Tiens, tiens ici. Oui. Cette petite ligne qui va de là à là. Tu vois? Oui. Elle grandira avec sa destinée. Ah, tous les jours, je lui embrasserai sa menotte. Sa menotte qui contient tant de chance. Tu permets que je l'embrasse aussi? On dirait un bouton de rose comme il y en a à Ispahan. Oh, elle a peur, cette mignonne. Elle a peur de moi, parce que j'ai la peau noire. Et vous êtes bonne, madame. Je vous remercie du bien que vous venez de me faire. Là, là, mon bébé, ne pleure plus. Nous partons. Tenez, madame, voici pour vous. Oh, garde ton argent. J'ai eu du plaisir à voir un si bel enfant. Je les aime beaucoup. Si tu étais gentille, tu me dirais où tu loges. Et je viendrais un soir chez toi faire des magies pour t'apprendre plus de choses encore sur l'avenir de ta fille. Oh, merci, merci. J'habite le long de la rivière, rue de Folpen, et je m'appelle la Chantefleurie. Dors, mon bébé. Dors, ma petite Agnès. Aujourd'hui, je regarderai dormir une future reine. Tu seras riche et couverte de bijoux. Je vais bien t'élever pour que tu sois sage et douce. Eh oui, oui, tu comprends déjà. Mon amour, ma chérie, tu es tout ce que j'ai au monde. Mais je suis la plus comblée, rien qu'avec un sourire. Ah, là, voilà un beau sourire. Dors, ma petite fille, dors. Dodo, l'enfant, l'enfant. Vous êtes là, Paquette? Oui, oui, chut, taisez-vous. Agnès vient de s'endormir. Vous avez été voir les Égyptiens? J'en reviens. La diseuse de Bonaventure m'a dit des choses extraordinaires. Oh, racontez-moi cela. Nous allons réveiller la petite. Alors venez chez moi. Mais je ne veux pas laisser Agnès toute seule. Mais vous n'avez rien à craindre. Personne ne passe jamais le long de la rivière. Et puis, vous n'avez qu'à fermer votre porte. Vous resterez un petit quart d'heure, juste le temps de me dire. C'est bon, je viens, j'ai trop envie de vous raconter. Oui. Ah, si vous saviez, mon cœur étouffe de joie. Ah, j'ai souffert, ma bonne. Mais tout ça n'a plus aucune importance. Agnès me lave de toutes mes souillures. Mon bonheur ne compte plus, c'est le sien maintenant qu'il faut assurer. Elle sera reine, ma petite reine. Mais venez vite que je vous raconte. Je vous remercie de m'avoir accompagnée, Odile. N'aime pas que la petite reste seule. Oh ben, votre absence n'a duré qu'un quart d'heure. Elle doit encore dormir. Odile. Oui. Regardez donc. J'avais bien fermé la porte de ma chambre avec ma clé. Mais naturellement, qu'y a-t-il? Elle est grande ouverte maintenant. Quelqu'un est venu. Agnès! Agnès! Kim l'a prise! Kim! Paquette! Ne vous affolez pas! Nous allons chercher ma petite fille! Ma jolie Titi! On l'a emportée, on l'a volée! Ah, ah, c'est ma faute! Jamais je n'aurais dû la quitter! Elle était à moi toute seule! Elle n'avait que moi pour la défendre, pour l'adorer! Ma petite reine! Où es-tu? Ma fille, ma fille, avez-vous vu ma fille? On me l'a volé, entendez-vous, volé! Ils vous cherchaient partout, partout! J'aime mieux qu'on m'arrache un bras, qu'on crève les yeux! N'importe quoi, mais... mon enfant? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Déchirant, mes petites, ce chagrin de la pauvre paquette Chantefleurie. Tout le monde pleurait et voulait l'aider. Elle poussait des cris à vous tordre les entrailles. Voyez-vous, nos enfants, c'est la moelle de nos os. Rien qu'à l'idée de perdre les miens, j'ai le cœur qui saigne. C'est une histoire affreuse. Oh oui, affreuse. Mais comment sut-on que les Égyptiens avaient volé la petite Agnès? Eh bien, monsieur le curé prit la tête d'un groupe de Rémois et l'on se dirigea vers le campement des Gitans. Ils étaient partis dans la nuit, vous pensez. Le lendemain, à deux lieues de Reims, dans une bruyère du côté de Diwa, on trouva les restes d'un grand feu, quelques rubans qui avaient appartenu à l'enfant de Paquette, et puis aussi des gouttes de sang, quelques crottins de bouc. Oh, Sainte Vierge, protégez-nous. Oh, j'en ai la chair de poule de votre histoire, Mayette. La nuit qui venait de s'écouler était précisément celle d'un samedi. On ne douta plus que ces sauvages eussent fait le sabbat dans la bruyère, après avoir dévoré l'enfant en compagnie de Belzébuth. Comme cela se pratique, paraît-il, chez les Mahométans. Oh, la malheureuse mère! Comment prit-elle ces détails horribles? Elle ne pleura plus. Elle remua les lèvres comme pour parler, mais aucun son ne passait ses lèvres. Le lendemain, ses cheveux étaient tout gris. Le surlendemain, elle avait disparu, en emportant seulement un petit chausson de satin rose qu'on avait retrouvé dans la chambre. Et jamais, jamais je n'ai su ce qu'était devenue ma pauvre amie Paquette la Chantefleurie. Voilà en effet une effroyable aventure qui ferait pleurer un Anglais, si ces gens-là étaient seulement capables d'avoir du sentiment. Je ne m'étonne plus maintenant que la peur des Égyptiens vous talonne si fort. On dit que ceux qui vivent à Paris en ce moment sont des Égyptiens de Pologne. Non pas! On les prétend originaires d'Espagne et de Catalogne. Oh, Catalogne, c'est bien possible. Pologne, Catalogne, Valogne, je confonds toujours ces trois provinces-là. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des Égyptiens. Avec des dents assez longues pour manger nos enfants. Et je ne serais pas surprise que la petite Esmeralda n'en croque pas un de temps en temps malgré sa fine bouche. Sa chèvre blanche a des tours trop malicieux pour qu'il n'y ait pas quelques tours de sorcellerie là-dessous. Ah bah décidément, le supplice de Quasimodo attire du monde. On ne va bientôt plus pouvoir avancer. En prenant par la rue du sourire, on arrive en plein sur la place de Grève. Oui, mamie, mais ce n'est pas une rue à emprunter par des femmes honnêtes. Oh, en marchant vite. N'allons-nous pas d'abord déposer nos galettes chez la recluse du Trou aux Rats? La Sachette? Oui. Oh, j'avais oublié. Oh, bien sûr, il faut lui porter nos offrandes. D'ailleurs, c'est là. Tout en écoutant votre sombre histoire, Dame Mayette, nous avons quand même fait du chemin. Voulez-vous dire que ce local sordide, avec une porte en fer et une lucarne pour toute ouverture, est l'endroit où elle séjourne? Oui. Sinon, on ne l'appellerait pas le Trou aux Rats. Et malgré cela, il a toujours été occupé par quelques personnages en quête de sainteté et qui se veut mortifier pour Dieu sait quelle raison. Ils viennent s'enfermer là, vivant de la charité publique et rachetant par leur misère leurs fautes et les nôtres. Il y a bientôt 15 ans que la Sachette s'y est enfermée. Pauvre créature. Et pourquoi l'appelle-t-on la Sachette? Parce que personne ne connaît son nom. Alors on l'a surnommée Sachette parce qu'elle est habillée d'un long sac de chambre. Peut-on la voir? Oui, mais discrètement. Elle n'aime pas la curiosité publique. Je vais me montrer la première à la lucarne. Comme elle me connaît un peu depuis que je lui apporte des provisions, elle ne dira rien. Après, je vous ferai signe. Tenez, c'est ici. Mayette, venez. La voyez-vous, là, au fond de sa cellule? Il fait si noir que je ne vois rien du tout. Ah si, mes yeux se sont habitués. Oh, la pauvre. Elle est tellement maigre qu'on dirait un spectre. Mais il n'y a même pas de paillasse, non? Elle dort à même le sol, hiver comme été. Quelle pitié. Elle ne bouge pas plus qu'une statue. En vérité, elle fait peur, avec ses cheveux gris répandus jusqu'à terre et son visage de ténèbres. Oh, ne la troublons pas. Elle est dans son extase. Elle prie. Quelle singulière femme. Elle est peut-être sourde. Ou peut-être muette. Peut-être morte. Oh, allons, Mayette, cela ne sert à rien de rester là. Ah, attendez un instant. J'ai une curieuse impression. Je voudrais la faire parler. Madame. Madame. Bonne vieille, regardez-moi. Nous sommes venus voir avec mes amis si vous aviez besoin de quelque chose. Vous avez un doux visage. Un doux visage. Vous devez avoir froid. Fait froid. Très froid. Alors tenez, prenez ma mante de laine, elle vous réchauffera les épaules. Non, non, non, non, non. Buvez ce flacon d'hypocras, cela vous fera du bien. De l'eau, je veux seulement de l'eau. Nous avions fait cuire pour vous exprès cette bonne galette. Non, non, pain noir, rien d'autre, non, non. Voyez, mais ce n'est pas raisonnable de vous priver de tout. Il faut bien vous apercevoir aussi que c'est fête. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Laissez-moi. Laissez-moi en paix. Nous allons vous apporter de quoi vous faire un peu de feu. Du feu? Du feu? Offrez-vous aussi pour réchauffer la pauvre petite qui est sous terre depuis 15 ans. Du feu! Du feu pour le sabbat de la sorcière! Et donc... Oh mon Dieu! Pour la sacrée de folie qui la reprend! À mort, l'Égyptienne! À mort! Oudarte! Gervaise! Mais c'est elle! C'est bien elle! Oh, je suis sûre maintenant de l'avoir reconnue! Quoi, qui donc? Mais qu'avez-vous? Voyons, vous êtes toute pâle! Qu'on la pende! Esmeralda! Qu'on la tue! La sorcière! Mais c'est Paquette, la chante fleurie! C'est elle! C'est la sachette! Est-ce possible? Mais oui! Oh, mais il n'y a pas de doute! Regardez! Regardez! Au fond de la cellule, il y a comme un reposoir. Et entre les chandelles, c'est le petit chausson de satin rose d'Agnès. Au bûcher, la voleuse d'enfants! À mort, Esmeralda! À mort! Notre Quasimodo. Regarde-le dans la charrette, compagnon. On dirait un singe. Ma foi, je ne suis pas fâché de fouetter ce coquin-là. J'aurais l'impression d'administrer une correction à Belzébuth en personne. Tu l'as dit, bourreau. C'est une figure à faire mettre bas une femme enceinte. Alors, vas-tu descendre, animal? On est arrivé. Ne fatiguez pas, sergent, il est sourd. Oh, mais alors, s'il est sourd, il n'entendra pas les coups de fouet. Il n'entendra pas, mais il les sentira. Les deux bons de service sont pour les recommandes. Il monte! Il monte l'escalier qui mène au pilori! Quasimodo! Quasimodo! C'est Quasimodo! Jean, vous pouvez à présent sortir de votre cachette. Ce n'est pas trop tôt. Rester sous le tapis d'une table n'a rien d'agréable pour un jeune homme de bonne famille. Ouf, j'ai bien besoin de me détendre. Eh bien, monsieur mon frère, vous avez des relations. Le roi lui-même se dérange pour venir vous consulter. Je ne savais rien de cette visite dont messire Jacques Coictier m'avait fait un mystère. Sans doute, mais le résultat vous est acquis. Conseiller du roi. Que dis-je? Initiateur, sa majesté Louis XI devient votre élève obéissant. Elle souhaite d'avancer en votre compagnie sur les chemins de la lumière. C'est beau, oh, c'est très beau. Je ne savais pas, mon cher Claude, que vous vous intéressiez au secret de la pierre philosophale. Jean, cessez de persifler. Vous avez eu votre argent de la façon la plus écœurante qui soit, et bien maintenant, partez et laissez-moi. Mon frère, vous me faites de la peine. J'étais venu vous demander un peu d'argent, vous m'en avez donné beaucoup. Mais c'était pour acheter mon silence. Je suis aussi écœuré que vous. J'aurais voulu le devoir à votre seule affection. Pourquoi me parlez-vous de la sorte? Il y a dans vos paroles un mélange de fiel et de douceur qui ne me convient guère. Vous avez eu toute mon affection, vous le savez. Est-ce ma faute si vous vous employez à gâcher ce qu'il en reste? Vous êtes un enfant débauché, et je ne sais encore comment tant de vices sont résultés. De tant de vertus, mais parce que le vice est l'aboutissement normal de la vertu. Vous avez abreuvé mon enfance d'exemples édifiants, jalonné mon adolescence de sermons et de discours. Vous m'avez donné la morale pour mère et le savoir pour père. Oh, quelle famille! Ajoutez à cela un grand frère archidiacre et vous faites un vaurien. Mais Jean, je n'ai pas eu moi-même d'autre famille. Eh bien, vous ne valez pas mieux que moi, malgré les apparences, car votre âme se dessèche dans le vinaigre de votre austérité. Les honneurs ne vous rendent point indulgents aux faiblesses, votre âge se refuse d'admettre la jeunesse, et le vœu de chasteté que vous fit, on ne sait trop pourquoi, vous pèse au bon endroit. Taisez-vous! Vous dépassez les bornes. Vous auriez voulu que je me roule dans le lit des ribaudes, comme font les hommes qui n'ont point de foi? Comme font tous les hommes dignes de ce nom. Est-ce là vraiment ce qui les justifie? Alors, j'ai eu raison d'échapper à ce troupeau bel an, aux jupes des femmes, tous pressés du même côté comme des moutons stupides. Vous vous trompez sur vous-même. Vous n'avez plus la foi. Il entend que vous l'avez dépassée. Ce sont les passions qui vous mènent, Claude. Vous avez cessé de penser à Dieu du jour où la science vous est apparue comme une explication possible à tous les problèmes de la création. Vous blasphémez. Vraiment? Mais toutes ces cornues qui vous entourent sont des blasphèmes. Ces livres que je vois ouverts sur votre table remplis de signes cabalistiques, blasphèmes encore. Et vous allez chercher dans des formules que ne désavouerait aucune des sorcières que vous faites brûler sans remords sur les bûchers de justice, le secret qui vous rendra maître de l'univers. Maître? Après ou avant Dieu? Je croyais que vos sottises et votre inconduite suffiraient à me désoler, mais je crois que vous êtes méchant et que vous cherchez à faire le mal. Je n'ai sans doute pas assez prié pour vous. Ne priez plus pour moi. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour le salut de mon âme. Le jour du jugement dernier, j'irai au choix brûler dans le soufre ou macérer dans les essences de rose. De toute manière, je n'aime pas ces odeurs. J'aime mieux celles qui se dégagent du lit d'Isabeau Lathierry, dans le quartier du Val-d'Amour. Une bonne adresse, petit Claude, vous devriez la noter. Sortez maintenant! Vous en avez assez dit pour me donner le dégoût de votre personne. Je vous chasse. Ne prenez pas cette peine, je n'avais pas l'intention de revenir. Pas même pour vous demander de l'argent. Je vais de ce pas à la cour des miracles prendre l'état de truand. Je préfère avoir pour parent le roi des mendiants que l'archidiacre de Notre-Dame. Allez vous sortir, enfin! Voilà, voilà! Adieu, mon frère! Et si vous m'en croyez, courez poursuivre vos recherches au Val d'Amour. Isabeau Lathierry vous ouvrira des horizons insoupçonnés. Chère de mon chevalet! La belle grimace tragique! Et qu'il ferait pas des fous si c'était aujourd'hui, hier! Ce 7 janvier 1482, par devant monsieur le prévôt de Paris, a été condamné pour avoir attaqué à la nuitée une... Voilà qu'on le déshabille. Ne regarde pas, Béatrix. Pour l'attacher, on l'attache bien. Quelle courroie de cuir et d'ardillon. C'est qu'il est musculeux malgré ses difformités. Oh! Avez-vous jamais vu une bosse pareille? On dirait plutôt un chameau. Dans tous les cas, c'est un drôle d'animal que ça là. Attention, la roue commence à tourner. Le bon peuple de Paris se divertissait d'un spectacle qui jamais ne le lassait. Du simple pilori de la place de Grève au lit de cuir du Châtelet, du brillant arsenal de supplices des Halles au gibet de Montfaucon, il avait quotidiennement de quoi se distraire avec les grimaces de souffrance des condamnés. Mais la présence de Quasimodo déchaînait l'enthousiasme. Voir pilorier le pape des fous le lendemain du jour où sur cette même place on l'avait glorifié ajoutait du piquant à l'ordinaire. Oh, my God. D'abord, Quasimodo, dans un effort prodigieux, avait essayé de faire éclater ses liens. La tentative était puissante, désespérée, mais les vieilles gènes de la prévôté résistèrent. Alors Quasimodo retomba, épuisé. Alors Quasimodo, t'appelles pas à ton secours ton saint patron, l'archidiacre ? Il n'aurait jamais dû abandonner tes cloches. Aujourd'hui, c'est à toi qu'on les sonne. Voilà la grimace du pilori. À quand celle du gibet ? C'est ce diable-là qui nous sonne l'Angélus. On aurait mieux fait de le pendre. Vous venez d'entendre Notre-Dame de Paris, adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus, et, dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg. La danse d'Esmeralda a été enregistrée avec la collaboration d'Espanita Cortés, danseuse étoile de l'opéra. Aujourd'hui, vous avez également entendu les voix de Françoise Jacquier, Hélène Garraud, Colette Hamon, Valé Valdi, Pierre Comte, Hubert Bution et Jean Péméja. Bruitage, Joé Noël. C'était Notre-Dame de Paris. Ces épisodes, les 14e, 15e, 16e, 17e et 18e du feuilleton Notre-Dame de Paris, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 2, 3, 4, 6 et 7 mai 1957. À suivre et à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Oui.